aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et aujourd'hui, je suis avec Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour. Et je suis aussi avec Victor. Bonjour Victor. Salut. J'espère que vous êtes bien accrochés à votre siège numéro 42 parce qu'aujourd'hui, on va parler de zombies, et de films de zombies. Aujourd'hui, on va parler de The Dead Don't Die. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante. Une chose horrifique va arriver. Excusez-moi, c'est fermé. Ah ! T'approches pas ! Qu'est-ce qui a fait ça ? Une bête sauvage ? C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue. C'était quoi, plusieurs bêtes sauvages ? Alors, tu penses à quoi ? Je pense à des zombies. Quoi ? Bah, tu sais bien, des morts vivants. Des ghouls. Vous êtes sublime. Mais... vous êtes de mèche, tous les deux? Des zombies mangeurs de chair humaine. Arrête, c'est pas drôle du tout, c'est vraiment trop flippant. Oh merde, ça va mal se terminer. Ils gravitent autour des activités qu'ils pratiquaient quand ils étaient en vie. Crofty. Chardonnay. Elle vient de dire chardonnay? Oui, elle l'a dit. Bienvenue dans mon monde zombie. J'arrête pas de te dire que tout ça va mal finir. Ben ça, c'est pas de chance. J'ai une certaine confiance en mes capacités à me défendre contre les morts vivants. C'est ce que je vois. Excusez-moi. C'était un beau geste technique. T'as dû être un bon joueur de baseball. Ben, j'ai joué en ligue mineure. Ça remonte à un bout de temps. Réalisé par Jim Jarmusch, ou Jarmusch, je sais pas comment ça se dit, scénarisé par lui-même, avec un casting assez fou qui comprend Tilda Swinton, Chloé Sevigny, Adam Driver, Bill Murray, Danny Glover, Steve Buscemi, Selena Gomez, Iggy Pop et tant d'autres... qui a été projeté pour la première fois à Cannes, en film d'ouverture. Qu'est-ce que ça raconte? Qui est-ce qui veut me raconter ce film? Que dis-je, film? Chef-d'œuvre. Oh, ça... Direct, après, on a parlé du film, ça clash déjà. Vas-y, Rimbaud, Victor. Non, je vais rester dans la demi-mesure. Qu'est-ce que ça raconte? C'est une ville aux États-Unis, là... qui subit quelques perturbations suite à un dérèglement polaire, il me semble, ouais, sur la planète Terre. C'est pas vraiment, enfin c'est la planète qui se déplace de son axe, ou je sais pas quoi. L'axe rotatif de la Terre, ouais. Est déplacé. Tout part en vrille, les téléphones marchent plus, c'est la télé bug. Le jour et c'est surtout, la nuit. Le jour les c'est les la animaux nuit. Sont fous, font n'importe quoi. Voilà. Ouais. Et il y a des zombies qui envahissent une petite ville, enfin qui envahissent la Terre, mais le film se concentre sur cette petite ville américaine où plusieurs groupes, enfin plusieurs, on tente de faire croire que plusieurs groupes, on va suivre leurs histoires, sauf qu'en réalité, ça va être trois flics joués par Bill Murray, Chloé Sevigny et Adam Driver. Qui vont devoir lutter pour contrer ces... Enfin, tenter de lutter. Ouais, entre tenter guillemets. Et voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un... Okay. C'est là. C'est un bon film de Jarmusch, mais un mauvais film de zombies. Et un mauvais film tout court, non. Je vais pas spoiler mon avis, quand même. On sent un peu le seum, là, quand même. Non. Beaucoup le seum. Seum 31, ici. Ah, celle-là, elle était belle. Alors, oui, c'est... Moi, voilà, quand Jarmusch s'attaque au fantastique, je préfère largement les vampires de Lovers Afterlife, où c'est plus romantique, c'est plus atmosphérique. plus attachant, même Deadman, où c'était vraiment une balade hypnotisante près de la mort, en fait, et de légende. D'où le titre. C'est, voilà, tout habile. Et moi, j'ai préféré Jarmusch dans cette période parce qu'on me dit Jim Jarmusch qui réalise un film de zombies. Je me dis, bon, bah, ok, pourquoi pas. Après tout, ces personnages sont aussi souvent dans ont une approche, une attitude assez amorphe dans la façon de prendre les choses. Et on a de ça, en fait, dans The Dead Don't Die. C'est des personnages qui. On préfère, mais c'est aussi qui va être un peu son défaut, on préfère la parabole de qui est le plus monstrueux entre les humains et les zombies. Et c'est parce que là, les humains sont tout aussi amorphes Et mou, ouais. et Ouais, mous voilà. que les zombies, Exactement. en fait. Et Caoutchouc. Et le quoi? film, lui aussi. C'est une private joke entre Eve et moi, elle comprendra si elle écoute. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un Jarmusch un peu très mineur, très classique. On se plaît toujours à voir Bill Murray faire son droopy, Adam Driver qui s'incruste dans cet univers bizarre et surtout Tilda Swinton qui, moi, m'a fait vraiment hurler de rire pendant tout le long du film. Parce qu'il y a un mais, qu'est-ce qu'on s'en fout de son message vu et revu à Jarmusch, mais sérieusement. On voit qu'il veut parler de l'Amérique d'aujourd'hui. Il va pointer tout ce qui ne va pas forcément. Alors, il va le faire à des très gros sabots. Donc, Steve C'est tout le Buscemi qui cas. porte une casquette Make America White Again. On va parler des climato-sceptiques aussi. Non, on Donc, parle un peu de tout. euh, mais voilà, c'est un message vraiment vu et revu et qui est asséné en plus dans sa fin qui est vraiment un gâchis complet. Enfin, Tom Waits qui te sort les pires monologues clichés possibles, du style les humains sont tellement consuméristes qu'ils s'en viennent à s'entre-dévorer eux-mêmes. Ah bah merci, ça fait réfléchir, hein. C'est Black Mirror ou C'est quoi? Black Non mais Mirror oh. là. Putain. Ou après, même si ça va nulle part, même si j'ai pas vu où est-ce que ça voulait en venir, j'ai quand même passé un moment agréable. Juste parce qu'il y a les traits du film de Jim Jarmusch, quoi. Donc, Ouais, que toi t'aimes bien. c'est. Ouais, voilà. Enfin, T'en c'est. as vu beaucoup des films de lui? J'ai vu toute sa filmo. Ah oui, ok, d'accord. Donc Donc. t'aimes bien quand même le gars, quoi. Enfin, ce qu'il Voilà, fait. voilà. C'est C'est pas. un peu mon bro C'est de ton gars sûr. mon gars sûr. Et toi, Amaury, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah moi, je suis complètement d'accord avec Victor, sauf que ça m'a moins gêné, on va dire, le propos politique. Enfin, faut dire que j'avais pas un énorme enjeu avec ce film. Moi, Jim Jarmusch, j'ai jamais été totalement comblé, si ce n'est par ce chef-d'œuvre absolu qui est Only Lovers Left Alive, où il savait beaucoup mieux renouveler le genre vampire Mmh, je suis qu'il le d'accord. fait ici avec les zombies. Et effectivement, tout le propos politique est vraiment pas intéressant, déjà vu, grossier, surexpliqué, surligné. Mais c'est pas bien grave en fait, parce que là où se situe la réussite du film, c'est plus dans son aspect comédie. On n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même une comédie assez efficace, avec des gags, avec une construction basée sur la nonchalance en fait. Et c'est tout le cinéma de Jim Jarmusch qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on retrouve ici Et en qu'il y a des fait. smarts aussi, Voilà, il y a l'humour à le base de Smart. Smart Rouge. Et ce qui est drôle, en fait, c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est que les êtres humains dans ce film, en fait, ils sont complètement amorphes. Et ce qui leur arrive, donc l'apocalypse, eh ben, ils en sont complètement indifférents, en fait. Ils disent, bon, bah voilà, on court à notre perte et tant pis, voilà, Ouais, ça puis va surtout, ils sont en arriver. mode. Au début, Quitte ça. à ce qu'on disparaisse tous, autant le faire dans la classe et en toute dignité, quoi, et on va pas s'affoler. Dignité, c'est un grand mot. Mais au début, ils savent pas trop ce que c'est. Et puis, le personnage d'Adam Driver qui dit, bah, c'est des zombies. Et ça, je trouve ça logique, tu sais, parce qu'on vit dans un monde où on a vu 10 000 choses de Ou des zombies, bêtes on sait ce que c'est, sauvages. tu vois. Et où Adam Driver a un porte-clés Star Wars, donc Mais bah oui, il y a une évidemment. Allez, culture le clin d'œil déjà, comme quoi. ça. Ouais. Putain, ils se Et font péter la rétine, ça quoi. c'est un c'est vraiment il y a vraiment plusieurs couches d'humour dans le film. Là c'est ce que disait Amaury, c'est que le film il travaille surtout son humour plus que le genre de zombie, ce Ouais. qui peut être à la fois problématique et en même temps pas trop dans la manière dont on peut prendre ça. Mais L'univers du film est tellement déréglé qu'il en va jusqu'à briser souvent le quatrième mur. J'allais en Et parler, tiens. parfois ça tombe un peu comme un cheveu sur une soupe. Donc quand ils disent Oh, mais comment tu sais que ça va mal se finir? Bah, c'est parce que Jim m'a donné le script. Quoi? Il t'a donné le script? Oh, mais quel enfoiré! Ah ouais, on dirait le film de Blié qui est sorti il y a 2 mois. Ouais, il manquerait plus. On a des rêves pointus. On dirait. Je m'attendais à ce qu'il y ait Gérard Depardieu et Christian Clavier en zombie et c'est un peu dommage. Ça aurait été mieux. Ça aurait été 10 trop fois bien. Mieux. J'aurais mis 10 sur 10 direct. Et ouais, c'est... Dans le cas de l'humour, c'est vraiment. C'est vraiment très drôle en fait. Moi, je me suis quand même bien marré. La salle s'est bien marrée. On sentait quand même qu'il y avait vraiment. Même si toute la salle s'est marrée, j'entendais les réactions dans une salle qui était pleine à craquer parce que c'était au moment de l'ouverture de Cannes. Les gens se marraient, mais en même temps se disaient ouais, ok, c'était long et qu'est-ce qu'on a appris. Mais il y a quand même eu ce plaisir de voir ce film. Et bon, je pense que le film, c'est très sincèrement, s'est ramassé à la gueule au box-office. Faudrait que je voie les chiffres du film. Mais... J'ai pas les chiffres, mais je sais que dans les critiques et les avis, c'est genre 50-50. Ouais, ben... 50% de gens qui disent ouais, pas mal, et d'autres qui disent bah, c'est de la grosse merde. Ouais, ben moi, sur les retours que j'ai vus en sortant de l'UGC, en sortant sur Twitter, j'ai vu, ça s'est fait un peu défoncer quand même. Ouais. Bah, il y a un grand cinéaste derrière quand même, donc voilà, c'est quand même un film tout, assez. Enfin, oui, que... enfin, je veux dire, voilà, je finis, mais c'est quand même un film assez mineur d'un grand cinéaste, soi-disant. Donc, forcément, ça génère des avis qui sont assez moyens. C'est ce que j'appelle la malédiction du film d'ouverture. On pourrait en faire un film Conjuring. Dans la moyenne des films d'ouverture qui ont été présentés à Cannes, c'est quand même bien au-dessus, je pense. Oui, non, mais c'est ça reste quand même. C'est une malédiction, voilà, appeler les frères et sœurs Warren de Conjuring pour sauver ce mystère, mais à chaque fois, il y a ce truc de comment de ils vont prendre un film d'un grand réalisateur et à chaque fois tu dis hey, ça aurait pu être à Cannes, mais si ça n'est pas dans la compétition. Enfin, si ce n'est pas au milieu de la sélection, de la compétition, parce que le film là, il a été quand même en compétition. Tu dis, c'est qu'il y a un truc, et à chaque fois, c'est ça. L'année dernière, Asghar Farhadi, il avait fait Everybody Knows, donc c'était le retour d'Asghar Farhadi, c'était aussi son casting de luxe, quoi. Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, c'était charmé. Bah, pourtant, le film, tout le monde l'a oublié, c'était pas ouf. Pas vu. Comment Grèce de Monaco, ben ça s'est fait défoncer. Baz Luhrmann, c'était horrible. Non, c'était pas horrible pourquoi pour Gatsby. J'ai cru qu'on disait du mal de Baz Luhrmann. Non, non, c'est très bien. Gatsby, c'est rageux qui disent que c'est pas bien, mais. Bon, sauf quand c'est Romain Pugier, mais ça, voilà, c'est une autre exactement. Histoire. Mais voilà. Jarmouche dans tout ça. Tout ça pour oui. dire que, voilà, ça cette... c'est un peu comme Dewey, en fait. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu quand sachant que le film ouais. est en ouverture. Tu dis, ouais, ok, c'est sympa, mais ça reste un peu faiblard dans la filmo de Jim. Et je l'appelle Jim parce que c'est ton grande pote, histoire. C'est ton gars sûr, bah, tu nous l'as voilà. dit au début. Hein. C'est quand même un film qui nous offre le plaisir de voir pour la première fois dans l'histoire du cinéma une croque-mort ninja de l'espace qui ouais. défonce des zombies au katana avec une smart rouge. Et ça, il n'y a que Jim Jarmusch pour l'inventer. Et qui se déplace, on dirait. Elle se déplace, on dirait Monsieur Hulot un peu. Ouais, genre, ça se déplace en angle droit. Voilà, et c'est en ça. C'est moi, je. Voilà, c'était. C'est le seul personnage actif, entre guillemets, et intelligent de l'histoire. Ouais, et, parce qu'elle est hors de la Terre. Voilà, ouais. Et en fait, on comprend, bah oui, parce qu'elle est étrangère, en fait, et qu'elle n'a rien à voir avec l'espèce humaine. Jade a pas l'air hyper convaincue. J'attends qu'on me demande mon avis. mais quel est donc quel avis tu pensais? Oh bah non, mais vous avez compris, c'est un film, c'est excellent, c'est un scénario fantastique, un jeu des jeux d'acteurs exceptionnels, c'est super beau, attends, c'est bien attends. Filmé. Non mais je déconne, on c'est va de la grosse. On va te donner un Molière là, Jade, parce que j'y ai cru. Je joue tellement bien. Non mais c'est pas bien quoi. Enfin, il manque un truc. essentiel quand même, je trouve, dans un film, c'est un scénario. En fait, enfin, même toi, t'as galéré à raconter l'histoire quand je en même temps. Alors, ça ne fait aucun sens. Ce film ne fait aucun sens. Le seul truc, je vais commencer par le positif avant de descendre dans tout ce que je n'ai pas aimé. Une chose que j'ai bien aimé, c'est l'explication de pourquoi il y a des zombies, parce que je trouve que c'est assez original et ça fait un tout petit peu de sens, le fait que la Terre se déplace un peu de son axe, que du coup tout part en couille, le jour c'est la nuit, les morts se réveillent, il n'y a plus de réseau. Les jours qui n'existent plus. Je trouve ça bien, et je trouve qu'il y avait un petit potentiel, tu vois. Mais en fait, le film, il est creux. Il est vide, il n'y a rien dedans, c'est chiant. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant. Moi je trouve que à la fois c'est creux, mais à la fois toutes les petites idées qui peuvent être intéressantes, ça, c'est juste des idées balancées comme ça. Il y a des tentatives d'humour. Moi j'ai ri zéro fois, j'ai même fait une micro-sieste à un moment parce que j'étais très fatiguée aussi. Mais parce que juste c'était chiant, ça faisait 10 minutes qu'ils étaient dans une voiture en train de parler, en train de faire du faux méta à la merde, où ils disaient « Oui, il m'a donné le scénario », mais aucun sens. Je m'énerve beaucoup. Oui, mais le film, en fait, c'est la métaphore du zombie, en fait. Le scénario même est lui-même mort, et c'est un scénario qu'on a déterré. Bah oui, mais c'est pas intéressant à regarder. Tu peux le faire d'une façon beaucoup plus intéressante à regarder. Là, c'est juste chiant. Je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de but. À la fin du film, Victor, tu l'as dit toi-même, t'es en mode ouais et ok vu, quoi. Enfin, tu vois. Et puis il y a des trucs qui ne font aucun sens. Bon, c'est spoilé comme des connards, mais bon, c'est pas grave, parce que soit vous l'avez déjà vu, soit personne ira le voir. Pourquoi à un moment il y a une soucoupe volante? Parce que Tilda Swinton c'est une alien. Mais pourquoi Tilda Swinton c'est une alien? Pourquoi il y a des aliens qui débarquent? Des zombies, et puis elle repart. Et puis ça. Oui, mais si les zombies. Y a des zombies, il peut avoir des aliens. Les zombies, c'est l'histoire du film. Ça fait partie intégrante de l'histoire du film. Là, il y a Tilda Swinton pendant tout le long. Les gens ils disent, elle est chelou, elle parle bizarre, elle a du maquillage bizarre, elle a du rouge au-dessus des yeux. À un moment, elle maquille des morts en mode minimis, tu vois. Et puis après, pendant le combat final, entre très gros guillemets, parce que combat, c'est un grand mot. Oui, la petite bagarre. Ouais, voilà, la bagarre sur le parking, on dirait la bagarre de Civil War, quoi, mais avec des zombies. Il y a une soucoupe géante qui arrive, elle la regarde, elle est en mode « Ah, enfin, sont là !» Et puis hop, elle se fait transporter en mode « Attends, et puis elle part. » Est-ce que pour toi, si le film, ça avait été « The dead don't die, but the aliens, yes ?» Bah ouais, franchement, ça aurait, ouais. Ça aurait, donc t'aurais pu mais croire si ça avait que été ça... encore, enfin s'il avait été à fond dans son délire d'absurde, ok, mais là c'est mi-sérieux mi-absurde avec les personnages qui sont mi-sérieux mi-blasés mi-totalement apathiques, je sais pas si ça se dit. Si ouais. Je ne parle Jean... pas enfin tu parles pas de Jean-Louis. Je parle pas de Jean-Louis, mais qui, tu sais, ils ont 2 ans de réaction entre chaque réplique, ils se regardent dans le blanc des yeux pendant 1000 ans. Mais Jean-Louis ça, Apathy. C'est bien, mais c'est la mollesse du zombie, ça. Mais moi ça me fait pas rire. Ça m'énerve, je peux pas m'attacher au personnage, et si j'arrive pas à m'attacher au personnage, bah je m'en fous en fait. Après, de ce que je regarde. Moi, il y a un truc que tu disais, et je pense aussi c'est. Si, je pense que si t'aimes pas ce film-là. Non. T'aimerais pas les autres films de Jarmusch, en fait. J'ai vu Only Lovers Left Alive, j'étais en mode ouais, ok. Ah, en fait, j'ai bien aimé parce que Tilda Swinton et Tom Hiddleston et Mia Wasikowska, ils sont géniaux. Magnétique. Parce que bah voilà, c'est eux et c'est des putains d'acteurs et ils sont tous trop beaux et magnifiques et tu les vois et t'as juste envie de les regarder pendant 3h30. Mais sinon, le film, enfin, c'est chiant quoi. Il se passe pas grand chose. C'est quelque chose que je me suis dit à la sortie de la salle au moment de faire la critique, mais j'ai un peu pris du recul. Et je pense qu'au final, c'est une mauvaise idée. Je me suis dit, ça aurait pu être un film qui aurait pu ouvrir le cinéma de Jarmusch à un très grand public, en fait. Mm-hmm. Parce que là, en plus, ça parle d'un truc qui peut faire. Attirer tout le monde, donc le film de zombies avec un casting qui a la classe et tout. Ouais, bah oui. Mais d'un autre côté, j'ai tellement l'impression qu'il piétine ce genre. Mais j'ai même pas l'impression qu'en fait il en avait quelque chose à foutre de son film. On dirait qu'il a fait genre comme en mode hop, tiens, une feuille de scénar. Sa note d'attention, c'est ce qu'il disait dans plein d'interviews à Cannes. C'est vraiment le truc, oh, ça fait réfléchir, on est dans Black Mirror. Ouais, c'est, et ça aussi, là, le message politique. C'est les zombies, entre c'est guillemets, nous. Et je me dis, politique. Je m'en fous. Mais non, mais ça, on va en reparler. Enfin, je vais surtout en reparler, je pense, dans la deuxième partie. C'est vrai que la figure du zombie, elle existe. en partie pour représenter pour parler politique, enfin tu sais, c'est un médium, tu vois. Mais là c'est vraiment et dis donc, on porte tous des masques, on n'est pas un peu tous des hypocrites capitalistes de merde? Merci quoi, il y a pas besoin d'un gars qui vit dans les forêts pour on est dire. Tous branchés sur nos smartphones et Snapchat. Ah oui, et putain, et les zombies qui regardent leur téléphone et qui sont en mode Instagram. Non mais merci. Ça je regrette, c'est une idée géniale de moi, j'étais mort de rire. Enfin, il faut expliquer, chaque zombie a retenu un seul mot de son existence d'humain. Donc t'as la vieille qui est alcoolique, c'est drôle, c'est marrant l'alcoolisme, c'est rigolo. Mais moi ça me bloquait, rien que ça, ça me bloquait, parce que déjà cette meuf là, c'est dans, je sais pas si vous regardez, c'est la meuf dans Unbreakable, Kimmy Schmidt, et du coup je repensais aux 2-3 saisons. Je me dis, je suis pas étonné. C'est un manque d'inspiration totale. Mais moi j'ai trouvé ça. Enfin, c'est le truc des zombies qui reviennent vers ce qui est compté pour eux dans leur vie. Ça, ok. Mais le truc de. Ils regardent leur téléphone et genre ils sont absorbés par leurs écrans parce que c'est des zombies, on est tous zombifiés par les technologies, machin, Instagram, Snapchat, mon cul. Ça m'énerve. C'est vraiment fait, mais genre le mec il te l'a enfoncé dans la gorge en mode vas-y, je te gave comme une autre. Sur le coup, c'est un peu rigolo, mais quand tu le vois, mais. Après, je me dis, c'est bon. Enfin, tout le monde a des trucs, smartphones. Vraiment, ça fait réfléchir, écrit S-A-F-E. Ouais. Que ce qui est dommage, c'est que Jarmusch se prenne si au sérieux. Tu sais pas si c'est sérieux, c'est une vanne. En réalité, si on prend ça comme une bonne vieille caricature, moi, je trouve ça assez amusant. Mais après, il faut pas prendre ça au sérieux. Tu sais pas trop, t'as le cul entre deux chaises, c'est pas trop sérieux. S'il avait fait une comédie bouffonne. C'est absurde, quoi. S'il avait fait vraiment un truc ultra bouffon, moi ça m'aurait fait genre marrer. Je sais que t'aimes pas trop parce que c'est anglais et t'aimes pas trop l'Angleterre, mais genre c'est Monty Python, tu vois. Quoi? Genre Monty Python qui fait Sacré Graal, ils sont à fond dans l'absurde. Mais oui, non, mais voilà. Il n'y a pas de doute. Là, tu t'es en mode ok, et puis après il y a des aliens, tu dis c'est une vanne. Et non, en fait, non, c'est sérieux. T'es en mode Jarmusch est trop ramolli pour avoir un humour aussi. en même temps, t'as l'impression qu'il. Enfin. Je le connais pas, je suis pas dans sa tête, mais il y a un peu cette impression, cet arrière-goût de non, mais de toute façon, enfin, je sais mieux que vous. Mon film, c'est je fais ce que je veux, et puis c'est bien, et puis c'est intelligent et tout. Pour ce film-là, je le trouve un poil plus. C'est avec le gars qui vit dans la forêt et qui est en mode je suis mieux que tout le monde parce que autant moi je suis pas capitaliste et je fais pousser mes propres carottes. Il parlait beaucoup mieux de son dandysme en fait, et de son érudition, totalement son poétique, ouvert au monde. C'était moins manichéen, c'était moins noir et blanc, quoi. C'est un peu film de vieux con, quoi, sur le propos. Mais en soi, moi, au début, je me dis, il n'y a pas un problème à ça, tu vois. Mais d'un autre côté, il grossit tellement les traits. Il n'y a pas de problème, c'est juste que moi, j'aime pas, c'est tout. Il grossit tellement les traits que c'est pas intéressant. Et j'ai juste l'impression. Il n'y a pas de réflexion derrière. J'ai juste l'impression d'être. C'est que n'importe qui pourrait dire un dîner de famille, quoi. c'est pas intéressant. Alors que ce soit un film de vieux con, non. Il y a des films de vieux con qui sont très bien, mais. Mais voilà, ça. Pour me dire ça. Pour me dire qu'on est des zombies parce qu'on a notre smartphone et que. Pense tous à boire ou. C'est bon, enfin, merci Jim. On le savait, pas besoin de toi. Pour revenir juste, pour parler du scénario, pour parler du film en lui-même, tu parlais, quand tu faisais le synopsis, quand tu faisais le pitch, qu'on suivait plusieurs groupes de personnes. Et qu'en fait, non. Parce que, encore une fois, full spoiler, il y a un groupe de personnages que moi j'aimais plutôt bien, les petits gamins en centre de détention, c'était cool. Qu'on suit au début, ils découvrent quand les zombies ils arrivent et tout, ils ont peur, blablabla, et puis on n'a jamais la fin de cette histoire. C'est surtout que. C'est totalement. Ils disent, c'est ça, c'est que leur dernière scène, c'est genre Tilda Swinton, elle bute une zombie, et les gamins ils étaient planqués, ils regardent les dégâts, et ils. Allez, on va se planquer là-bas. Et puis c'est tout. Et c'est tout, on les voit plus. Et puis aussi, à l'opposé, t'as tout un build-up sur un groupe de potes avec Selena Gomez, Lucas, j'ai oublié son nom, et Austin Butler, qui vont en vacances ou je sais pas quoi, et puis ils s'arrêtent dans le motel de la ville, Et puis juste ils se font buter, c'est tout. On a eu genre 1000 scènes d'eux pour qu'ils se fassent buter comme ça, hors champ. Mais en même temps, ils le méritaient selon Jarmus parce que ce sont des sales voilà, hipsters. C'est, ça. C'est des ados hipsters à la con, qui mettent des shorts où on voit leur cul. Bah non, mais merci Jim. Non, mais en plus, Jarmus il a fait exprès de choisir Selena Gomez, actrice Disney, chanteuse pop. Et l'autre garçon là qui est un influenceur Instagram, Lucas, un mannequin Lucas, hyper Lucas, connu Lucas, chez les Jones, ah ouais, je dirais Victor. Oui, celui que c'est Dread. Que j'adore, qui joue dans une série qui s'appelle Grownish et qui est plutôt bien. Voilà, donc c'est un choix totalement voulu de Jim Jarmusch pour dire ah la jeunesse, les hipsters. Ouais, mais ça me fait chier. Mais par contre, le truc des gamins de centre de détention là, c'est enfin vraiment, j'ai pas compris quoi. Pourquoi c'était là si c'est pour pas terminer le. Bah même comment même les autres personnages, hein, tu vois Danny Glover et comment. Ah oui, aussi, eux. Et le Caleb Landry Jones, qui joue le nerd, ouais, fan de zombies et tout. Quoi de zombie. Je l'aime bien, lui. Moi aussi, je l'aime bien, mais... J'aimais bien ce personnage, et en fait, il y a des débuts d'histoire, de storyline, mais ça va jamais... Ouais. Enfin, il n'y a pas d'histoire. Je pense que fait. Ce qu'il aurait dû faire... Il t'introduit des persos, et puis au final, il ne met pas d'histoire derrière, c'est trop bizarre. C'est un petit vendeur, un prêteur sur gage, ou je sais pas quoi, qui se fait appeler Frodon par tout le monde, ou Bilbo Baggins, ou... Puis il y a le moment où il rencontre Selena Gomez, et tout, quand son et nom, tu son dis, prénom, il y a un petit truc, et tout, ouais, ben non, il y a des étincelles et tout, c'est trop bizarre. Mais moi, je pense qu'il aurait dû faire un truc pour ça, parce qu'il a plusieurs groupes à gérer, plusieurs personnages. J'aurais adoré prendre des cours d'écriture. Non mais juste pour savoir comment gérer plusieurs storylines. Jarmusch, il est aussi, il l'a aussi fait dans sa film filmographie. Il y a plusieurs films à sketch en fait. Il a fait Coffee. Il a fait Coffee and Cigarettes avec le même type de cast, donc t'as Iggy Pop, Bill Murray, RZA. Il y a un super gag. RZA, il y a un super gag avec RZA. Par contre, faut le souligner dans le Jarmusch. Dans The Dead Don't Die, okay, et ça, moi j'ai pari donc. C'est le UPS. Ah oui, oui, oui. Qui fait WPS. Ah oui, oui. Voilà. Oui. J'ai pas compris, mais j'ai souri parce que ça faisait plaisir. Mais j'ai pas compris. Et parce que Wu-Tang et tout. Oui, non, mais voilà. Pourquoi c'était là. Pff, oui, non, mais aucun c'est intérêt. Parce que c'est bizarre. Encore une fois. Oh là, mais oui. C'est rigolo quand même. Et. Il a et dans Night on Earth qui est avec Winona Ryder, Roberto Benito, c'est des films à sketch en fait. C'est autour de gens qui boivent des cafés et des cigarettes dans l'un, et dans l'autre c'est qu'est-ce qui se passe une nuit sur Terre dans plein de pays différents, et ça donne des sketchs vachement drôles, touchants et tout. Et là je suis sûr que s'il avait fait un film où chaque segment de l'histoire, ça aurait été un groupe dans cette même ville, peut-être, pour parler de cette invasion de zombies. Et il y aurait un groupe où ça aurait été une invasion de zombies vue par la jeunesse hipster. Ouais, ça aurait été mieux. L'un vu par un nerd cinéphile, l'autre par des flics, l'autre par une alien. Ouais, non, mais en vrai, là j'aurais été un petit peu plus ok, je pense, tu vois. Et j'aurais peut-être. Plus apprécié. Mais là, c'était juste, ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun intérêt, à mes yeux. Évidemment, c'est toujours personnel. Là, je l'ai revu à la baisse, hein, depuis qu'il est sorti. Je trouve toujours aussi sympa. Ah, moi, mais c'est pas un Jarmusch que je reverrai. C'est vraiment. Oui, c'est ça, faut pas. On n'a jamais dit que c'était un grand. Enfin, personne n'a jamais dit que c'était un grand film. C'est sympa. C'est sympatoche. Pas une grosse merde. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film? Non. Non. Adam Driver. Oui, bah Adam Driver, thème, on l'aime. Voilà. Hein, Tilda Swinton, épouse-moi. Mais le casting, moi je l'aime bien, hein, mais le film autour, moins. Eh ben, on va passer à la deuxième partie, sans transition, parce que j'ai pas de transition. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. C'était un film avec des zombies. Est-ce que c'est un film de zombies ou pas? C'est un autre sujet. C'est tout un tout autre sujet. Je vais faire très très très vite fait, parce que on n'est pas... Attention, ayez une heure au rang, ayez une heure sur vous. Non, je vais faire très vite fait un mini historique du genre du film de zombies sans s'étendre sur est-ce que c'est un genre ou pas. Mais en tout cas, le film avec des zombies dedans, le premier, c'était en 1932 avec le film White Zombie de Al Perrin, j'ai oublié son prénom, qui fait ce film en 1932, et puis le genre du film de zombies fait son petit bout de chemin. On a Vaudou de Tourneur en 1943, que vous connaissez peut-être vous, parce que vous avez fait des études de cinéma avec moi. Et puis après, ce genre connaît son apogée dans les années 70-80 avec, ou grâce, c'est selon, le film que tout le monde connaît, la référence de zombies par excellence, La Nuit des Morts Vivants de George Romero en 1968. Du coup, c'est la teuf. Tout plein de films de zombies sortent avec souvent, très souvent, des titres à base de morts-vivants comme La Révolte des Morts-Vivants, Le Monde des Morts-Vivants, La Chevauchée des Morts-Vivants, Le Massacre des Morts-Vivants, un de mes préférés, Le Commando des Morts-Vivants. Les morts-vivants à la plage, comme les Martines, tu sais, morts-vivants font la vaisselle, morts-vivants petite maman et tout. Les morts-vivants prennent le taxi. Évidemment, il y a les films, la suite de La Nuit des Morts-Vivants, donc Zombie ou Dawn of the Dead en titre original en 78. Le troisième, Le Jour des Morts-Vivants ou Day of the Dead en titre original en 86. Après... ben, le zombie, il disparaît un petit peu pour revenir en force dans la meilleure décennie qui existe à nos jours, vestimentairement parlant, les années 2000 et les années 2010. Avec... Excuse-moi. Non, t'as oublié, forcément, ils sont aussi revenus grâce aux Cranberries. Exactement. Et en vrai, j'y ai même pas pensé. Je sais pas du tout c'est quelle année, mais meilleure musique, on la mettra peut-être à la fin du podcast. Donc ça revient dans la meilleure décennie des années 2000 avec 28 jours plus tard, Bienvenue à Zombieland, Je suis une légende, les films Resident Evil adaptés du jeu de 96, donc même époque, c'est un peu les années 2000. Et le retour de Monsieur Zombieman, George Romero, avec Le Territoire des Morts, Land of the Dead en 2005, Chronique des Morts Vivants, Diary of the Dead en 2008, et Le Vestige des Morts Vivants, Survival of the Dead en 2010. Puis en 2011, il y a quoi à la télé ? Il y a The Walking Dead. Et il y a quoi dans votre PS3 et dans votre PS4 ? Il y a Dead Island et il y a The Last of Us. Du coup, bah, les zombies au cinéma, on s'en fout. Et du coup, les films de zombies, ben, ça disparaît. C'est pas du tout un tacle envers ces deux jeux vidéo que j'ai cités parce que je les aime beaucoup d'amour, ni envers la série qui, même si je l'aime pas, elle est quand même très populaire et elle a fait son petit bout de chemin, donc si vous aimez, soit. Encore quelques survivants du film de zombies comme World War Z ou l'excellentissime que... Là, c'est Cinéma qui est mort. Hein. Merci Victor. Le pimpin est dans la mare. Voilà. Ou l'excellent film dont Amaury m'a rappelé l'existence tout à l'heure, Dernier Train pour Busan en 2016. Mais actuellement, on n'est plus trop dans une époque de films de zombies, à part le film dont on a parlé juste avant. Mais est-ce que c'est un film de zombies ? On ne sait pas. Voilà, bref, c'était un mini exposé sur le zombie pour que vous ayez un peu de contexte et aussi parce qu'on apprend des choses. On a bientôt un film de zombies français bientôt. Dis-nous, c'est quoi ce film de zombies Zombie français ? Zombie Child de Bertrand Bonello. Ah oui, exact. Qui va vraiment aux racines du zombie, là. C'est vraiment le zombie vaudou. Ouais, j'ai très hâte de voir, je suis très curieuse de voir ça. Mais j'ai une question pour vous. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je vais en poser une pour l'instant. Et j'aurais bien aimé répondre à la première question. J'ai posé une question, vas-y. C'est-à-dire, est-ce que le zombie est encore là aujourd'hui ? C'est pas vraiment une question, mais moi, oui. Moi, j'ai plus l'impression... On n'est plus dans un âge d'or du film de zombie. Voilà, quoi. On n'est plus dans la période qu'on peut appeler classique du zombie, pour moi, à partir de l'époque, les années 2000. Les années 2000, c'est ça, ouais. C'est plus post-zombie, j'ai l'impression. Bah, c'est pas vraiment post-zombie, c'est un peu réactualisé. C'est des zombies, mais des années 2000. Avec de l'humour, ouais, mais pas que parce que on détruit le genre et on en reconstruit un autre avec. Oui, en fait, ça s'appelle l'évolution. On ne cesse qu'à. Ouais, voilà, mais on réinterroge le genre, on le fait muter vers d'autres choses, ou on fait l'hommage du genre, on le parodie quasiment tous les films qu'on a cités là, on peut aussi citer le Shaun of the Dead. Une comédie warm zombie, une comédie romantique à base de zombies. Enfin, tous ces films-là qu'on a vu émerger, c'était des hommages, des réinterprétations du genre. Et c'est pour ça que moi je dirais que oui, le genre du zombie est terminé, sa période classique est terminée, et là on est dans une ère post-genre, j'ai l'impression. Ouais, enfin, c'est juste une façon différente parce que. J'allais en venir après, mais allez, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, je le fais maintenant. C'est que la figure du zombie, c'est un peu. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu un médium par lequel passent des. Enfin, c'est une façon de représenter le contexte sociopolitique d'une époque. Avec La Nuit des Morts Vivants, ça parlait de racisme, ça parlait de trucs, ça a parlé de guerre dans d'autres films. Enfin, tu sais, c'était vraiment. comme il faisait, en vrai, ce qu'il fait Jarmusch, c'est à ça que sert le zombie, dénoncer, enfin pas dénoncer, mais parler d'un contexte, d'une atmosphère politique dans laquelle on est, ou sociale, sauf que lui, il a peut-être très mal fait, à mes yeux. Mais ça qui est paradoxal, parce que le genre du zombie, ça sert à faire une étude sociologique de manière subtile et sous-jacente, plutôt que de mettre directement les pieds dans le plat. Sauf que Jarmusch a fait l'exploit dans son propos politique de se ramasser complètement et faire un truc super balourd, malgré qu'il utilise la métaphore du zombie. Bah, il l'utilise pas vraiment, juste il a foutu des zombies dans son film, tu l'enlèves, c'est pareil. Tu mets des ados, millennials, enfin, génération Y, je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi la nouvelle génération. Génération Calix. À la place... À la place des zombies, c'est pareil, tu vois. Mais la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous trouvez la figure du zombie intéressante? Est-ce que vous aimez les films de zombies et tout? Elle était intéressante. Enfin, elle était. En fait, elle est intéressante, mais peut-être pas forcément maintenant. Je pense qu'il y a maintenant la figure du zombie. Moi, je trouve qu'elle serait toujours intéressante. Elle est dans le... Aujourd'hui, c'est alors ce qu'Amory dit, c'est le post-zombie. Et je suis pas d'accord. Ça dépend des exemples. Mais après. J'y reviendrai après. Mais, ça dépend mais c'est, un, c'est. Enfin, moi je trouve ça un peu. Mais ça reste. Con de dire que c'est post-zombie, tu peux pas dire que c'est post-vampire, post-truc. Twilight, c'est un truc alors... qui existe toujours, tu vois. C'est une figure, un mythe, un machin qui existe. C'est pas, tu peux pas dire. C'est nombre... post-chien. Ça existe encore les chiens. Oui, les films genre, chiens, ce genre très célèbre du cinéma qui est le chien. Quoi. Bah, on pense à toi, Air Bud. Pendant un moment, il y a eu plein de films avec des chiens, chien et chat, enfin chien. Air Bud. Air Bud. Comme Marley chien et chat. Benji. Plus de trucs comme ça. Il y en a plus, mais ça existe encore les chiens. Il y en a encore. Bah voilà, mais tu dis quoi, c'est un post-film chien, film de chien. C'est comme Babe, le cochon à la ferme ou je sais pas quoi, ça, cochon dans la ville, cochon. C'était trop bien Babe. Écrit par le gars qui a écrit Mad Max, on vous le rappelle. Mais oui, donc pardon, je t'ai coupé Victor, mais est-ce que tu trouves ça intéressant la figure de zombie, qu'on soit post-zombie ou pas Je pense... Ou est-ce que t'aimes tout simplement? Bah en fait, c'est moi, quand je vais voir des films de zombies, en fait je m'intéresse pas tant à la question du zombie en fait, je m'en fous de me dire... Enfin, là, bon, j'ai un peu critiqué le Jarmusch pour ça, mais... Mais le truc, c'est que... Par exemple, tu parlais de Dernier Train pour Busan. Oui, qui est extraordinaire et qui est complètement fou. Et je me suis pas dit, tiens, je vais aller voir un film de zombies. Je me suis dit, je vais voir un putain de film d'action sud-coréen qui déchire. Et c'est totalement ce que j'ai eu. Et bien sûr, toujours au service d'une critique sociale. Alors, mon dernier train pour Busan, c'était un peu ça aussi. Critique de la SNCF, très claire. Ouais, bah voilà, c'est ça. Les contrôleurs, putain, ils sont relous, toujours en retard. Qui sont des zombies à vouloir piquer de l'argent par les amendes. Oh là là, et nos impôts dans tout ça, bref. Oui, en fait, c'est pas la figure la plus réussie en nous, mais ça arrivera toujours à proposer des choses intéressantes, en tout cas. Et puis ce que j'aime bien avec le zombie, je disais, c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est un genre le film de zombie, parce que tu peux avoir des films d'action avec des zombies, tu peux avoir des films d'horreur, tu peux avoir mais tu peux avoir des drames avec des zombies, des comédies romantiques avec des zombies, tu peux avoir plein de trucs. Enfin, c'est ce que j'appelais post-zombie en fait, c'est que on a muté le zombie vers d'autres horizons, on l'a mélangé avec d'autres genres. On fait plus que des films d'horreur en fait avec des zombies, et c'est ça que je trouve charmé, c'est que tu peux avoir c'était pour ça peut-être que j'étais un petit peu déçu du film The Dead Don't Die, parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va être un film un peu bien filmé dans une petite ville, un petit drame mais avec des zombies, c'est pas un gros film d'horreur bourrin, et puis en fait non, c'est juste de la merde. C'est pas très bourrin. Non mais justement, mais d'habitude les zombies tu dis, oh, ça va être bourrin, c'est plutôt un boring et là que je me bourrin. Suis dit, voilà, mais c'est clair, mais je me suis dit, ça se trouve, ça va être un petit drame indé sympa, tu vois, mais juste il y a des zombies et ça peut être cool, et en fait non, c'était mais c'est une petite comédie sympa, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Mais oui, enfin, la figure de zombie, moi, j'adore. Je suis extrêmement fan des zombies. Amory, est-ce que tu trouves cette figure intéressante, ou est-ce que tu l'aimes, ou est-ce que tu l'aimes pas, ou est-ce que tu t'en fous? Bah oui, bah bien sûr que je la trouve intéressante, mais j'avais envie de revenir sur The Walking Dead, tout simplement, parce que. On parle de mutation du genre, du zombie, de nouvelles formes qu'il y a aujourd'hui avec le genre et tout, mais pour moi, The Walking Dead, ça reste le dernier truc classique qu'on a vu en période contemporaine, en fait. C'est, on est clairement dans le modèle de Romero où les zombies marchent à 2 km/h. Ça, je suis d'accord. Où il y a à chaque épisode des nouvelles analyses très précises de petits groupes de sociétés. En fait, moi j'aime bien voir cette série comme à chaque fois des nouveaux épisodes de ce que serait Problemos, la comédie française en série télé, quoi. C'est des nouvelles sociétés qui vont s'installer et qui repartent à zéro et qui au final replongent dans les mêmes erreurs que toutes celles qu'elles avaient fait auparavant. Ouais. Et chaque épisode de Walking Dead a un côté-là. C'est même pas Walking Dead que je vais critiquer parce que je regarde pas la série, mais bon, je suis un peu grâce aux internets et quand je suis je trouve que même une série comme Walking Dead maintenant on se préoccupe limite même plus du zombie. C'est juste un soap. Voilà, non mais c'est ça, et c'est surtout pour donner des discussions que je trouve aberrantes du style franchement Negan c'est un fasciste mais franchement c'est quand même un bon gars, hein. Et t'as plein de discussions comme ça et tout et on passait pour dire des conneries alors Non mais ça c'est un peu le syndrome avec toutes les séries qui ont 10 000 saisons, c'est au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? On raconte des nouvelles histoires et du coup, ça fait un peu soap opéra. Elle existe, mais elle n'est plus là. Fait que les zombies soient une toile de fond et que le film s'intéresse davantage à la société, c'était déjà là bien avant The Walking Dead. Oui, bien sûr, avec Romero. Sauf que là, c'est sur 15 000 saisons, du coup, c'est chiant peut-être. Oui, après, ouais, j'ai dit que j'aimais beaucoup, mais j'ai fini par abandonner c'était long. Mais je vous assure que ouais, les cinq premières saisons, elles sont vraiment intéressantes. Et c'est à chaque fois des portraits de la société qui sont assez ludiques et émouvants, même de temps en temps. Et voilà, sur un modèle du zombie qui est. Tout à fait respecté. On a l'impression que le mec ploie le genou face à Romero en faisant ça, alors qu'aujourd'hui, tous les films de zombies essayent de rapporter quelque chose de neuf, de et nouveau. Justement, moi, je voulais parler d'une série de zombies, une série anglaise qui, à la fois, renouvelle la figure du zombie et en même temps est très respectueuse, on va dire, envers cette dernière. C'est In the Flesh, c'est une série anglaise qui est surchambée et en fait c'est les morts qui reviennent à la vie et en fait ils reviennent en mode zombie évidemment, mais pas en mode zombie assoiffé de sang, juste ils reviennent à la vie et puis ils doivent se réadapter à la tout en étant des zombies, en ayant les caractéristiques du zombie, donc ils doivent manger du sang, mais enfin boire du sang, manger des trucs humains et tout, mais en même temps ils ont une espèce de traitement qui fait qu'ils n'ont plus ces pulsions et ils ont pas de pouls, ils sont blafards, ils sont morts, ils doivent se maquiller et tout, et en fait ils doivent se réintégrer à la société un peu, tu sais, comme les X-Men sont un peu discriminés parce que c'est des mutants, ils sont pas pareils et tout, là c'est pareil mais avec des zombies, et je trouve ça et c'est super intelligent, c'est extrêmement bien écrit et c'est très représentatif de la société de maintenant, en fait. Enfin, ça parle de la société en faisant quelque chose de fantastique, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je trouve que c'est en ça que ça... On utilise le zombie pour métaphoriser les marges et les ouais, voilà, les outsiders. C'est super intelligent. Le héros principal, c'était un ado homosexuel. Il est bi, je crois, mais bref, anyway. Et il s'est suicidé parce qu'il est dépressif et il revient. Il était parti à la guerre. Enfin, tu sais, il y a plein de. Ok. Petite alarme. Il y a plein de trucs comme ça. Et ça se passe dans une petite ville, sensiblement pareil à The Dead Don't Die. Ça se passe dans une petite ville un peu paumée de l'Angleterre cette fois-ci. Et t'as vraiment un microcosme en fait qui est représentatif de notre société mondiale, tu vois. T'as vraiment toutes les stéréotypes entre guillemets, tous les archétypes. Donc t'as les gens qui sont anti les zombies qui s'appellent les undead en version originale, qui sont contre ces gens-là, qui font des milices et tout pour pas qu'ils traînent le soir. Il y a tout un système de, il y a tout un genre de cercle de prostitution. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs où tu vois vraiment qu'ils sont mis en marge, mais en même temps ils sont utilisés. Ils doivent faire des travaux d'intérêt généraux et tout. Et en même temps, il y a c'est un peu comme l'immigration, quoi. C'est, c'est pas vraiment. C'est un peu comme toutes les minorités en fait mélangées. Tous ceux qu'on peut blâmer, la série va représenter ça par le prisme du zombie en fait. Ouais, et puis en même temps, il y a du côté des zombies, il y a aussi des extrémistes, tu vois, il y a des extrêmes de tous les côtés, c'est pas manichéen du tout, c'est pas tout noir, tout blanc, les gentils, les méchants, il y a même le personnage principal, il va évoluer et tout, en négatif, en positif, et bref. C'est excellent comme série, je vous la conseille fortement. Et en parlant de conseils, est-ce que vous auriez un film, une série, un jeu vidéo à conseiller avec un zombie ou des zombies dedans? La Nuit des Morts Vivants. Tu l'as dit, donc oui, La Nuit des Morts Vivants, parce que c'est la base. C'est excellent. Ça pose justement tous les codes, toutes les problématiques. Même juste au-delà de ça, c'est un super bon film. Et il y en a un autre un peu... Alors, on penserait pas forcément à celui-là parce que c'est plus dans l'ordre du fantôme, mais il y a quand même cette idée où on va parler de la mort. Et c'est Beetlejuice de Tim Burton que moi je trouve vraiment très chouette. C'est pas vraiment un film de zombies, tu triches un petit peu. Non, si, quand même. C'est vrai, il y a pas de zombies dedans. Alec Baldwin et... Bah c'est pas parce que... c'est méchant envers Alec Baldwin, hein. Mais je dis pas qu'Alec Baldwin c'est un zombie, mais enfin c'est un zombie, non. C'est que... des personnages qui reviennent d'entre les morts et qui vivent oui, encore. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, c'est post-zombie, c'est une mutation du zombie, encore une fois. Voilà, Tim Burton. Dans le post-zombie. Tim Burton hack le genre du zombie, voilà. Et oui, c'est très chouette. T'as envie de danser, c'est très rigolo. Michael Keaton est très chouette. Ah oui, donc c'est un film chouette et j'aime bien les hiboux, j'aime bien les chouettes. Donc, génial. J'adore les oiseaux. Et toi, Maury? Avant d'annoncer mon film de zombies préféré de tous les temps, deux comédies que j'adore, Planète Terreur et Braindead, oui, donc le premier Planète de Terreur. Rodriguez, le second de Peter Jackson. Voilà, c'est le zombie burlesque, gore, outrancier, fun, popcorn, à regarder avec les copains. Et voilà, moi j'adore ces films, je suis mort de rire devant eux. Pour un film beaucoup plus prise de tête et... sérieux ? Philosophique carrément, 28 jours plus tard, c'est réalisation de Danny Boyle. C'est marrant parce que moi j'aime pas du tout ce film. Pourtant j'adore les zombies, mais j'arrive pas avec ce film. Et bah là, c'est presque un anti-film de zombies là avec une première heure plus ou moins classique, à une exécution près que les zombies sont complètement enragés et courent dans tous les sens et vomissent du sang. Et la seconde partie part dans un tout autre sens, quoi. Nous, spectateurs, on philosophe, on se prend la tête et c'est un scénario de... Très Alex Garland. Celui qui a fait Ex Machina. Enfin, celui qui a fait Ex Machina et l'excellent... Annihilation. L'amour de ma vie. La mémoire. Et je trouve vraiment ce film passionnant et pour toutes les raisons qu'on a dit depuis tout à l'heure sur le genre du zombie, sur la manière dont on ausculte la société, mais multiplié par 1000, quoi. Eh ben, c'est très bien. Vous avez des recommandations de films de zombies. Quelles sont les tiennes? On en a parlé tout à l'heure. Moi, je vous recommande Dernier Train pour Busan, qui est excellent. Bon, là, on n'est pas dans le zombie qui marche à deux à l'heure. Hein. On est clairement dans le zombie là, qui c'est fond. C'est TGV du zombie, là. C'est le ZGV, zombie grande vitesse. Le zombie à très grande vitesse, même. Mais il est vraiment... Il est fou ce film parce qu'il y a de l'action, tu pleures, tu ris, tu... Les personnages sont tellement charismatiques. Oui, et puis ils jouent tellement bien. Genre même le la père. Super bien. Oui, parce qu'en plus c'est un père et une fille. Non, non, mais moi je pensais au celui qui a deux doigts de devenir celui père. Celui qui va buter le père le plus badass. Le père plus badass et tout. Et génial, génial. Donc Dernier Train pour Busan. tellement de films. Je suis une légende que j'ai vu il y a... J'y pense parce que je l'ai vu, c'est celui que j'ai vu il y a parce moins parce que longtemps. La scène du chien, elle est trop triste. Non, mais en vrai, je le trouve vachement bien. Et en plus, il y a plusieurs fins, donc vous pouvez aller ouais, chercher. Moi, j'aime pas ce film, je suis désolé. Pour une fois dans ce podcast, moi, j'aime pas voir toujours le... plus tard, et bah toi, voilà. T'aimes pas... T'aimes je vais faire le ronchon, mais ouais... Pour une fois. Je suis une légende, pour moi, c'est vraiment une... J'adore ce film. C'est du foutage de gueule, quoi. Oh. On nous met des zombies en effets spéciaux intégraux. Moche. Oui, j'avoue qu'ils sont moches. Mais l'histoire du film... Et pareil, l'histoire, je Il y a quand même une scène géniale, il faut pas l'oublier. C'est la scène où Will Smith, pour montrer qu'il est seul et qu'il a fait que regarder des films en boucle, il va citer par cœur les dialogues de Shrek. Oui, ah, ça, c'est génial. Et ça... Pour moi, il y a des références à Shrek, donc je peux j'adore. Que valider. Rien que cette scène, j'étais en mode, t'as toute mon attention, film, je t'aime. Mais en fait, même le truc des plusieurs fins, je trouve que chaque fin a un intérêt, en fait. Et chaque fin, en même temps, à la fois, est parfaite pour le film qui est avant et dit quelque chose de différent, mais qui est super intéressant. C'est pour ça que j'adore ce film, même si les zombies, oui, je te l'accorde, sont très moches. Et sinon... C'est comme un mélo totalement... Bah, oui, mais arrête de critiquer quoi, mes voilà, goûts, enfin, tu veux qu'on se tape ou quoi. Et sinon, je vais vous recommander un jeu vidéo qui est excellentissime et que j'adore de tout mon cœur et auquel je peux rejouer 1000 fois et je pleurerai 1000 fois et il est... juste, c'est génial, c'est The Last of Us. Tsunami, non, hein? Zombie Tsunami. Non, c'est The on Last voit, of Us. On voit que certains se font chier sur leur smartphone. J'avoue, quand il est aux toilettes, il joue à Zombie Tsunami. Non, c'est The Last of Us et le DLC The Last of Us Left Behind. Ah, tu veux dire Logan, avec... le jeu. Oh, mais arrête de faire cette vanne, il n'y a pas de zombies dans Logan. Il joue avec dedans... Troy Baker, un de mes acteurs préférés du monde entier, qui est absolument génial. C'est un putain d'acteur et en plus il est très gentil dans la vraie vie. Et avec Ashley Johnson, qui est aussi une pure actrice. Et j'ai très très très très très hâte de la suite qui va sortir très bientôt. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur le zombie, la figure du zombie, le genre du zombie, le zombie en général? C'est un genre qui ne manque pas de mordant. Merci. Oh, on va putain, ça. Victor, mais sors de ce corps, bah, quoi, il t'a transmis ses blagues de merde. C'est des vannes, voilà, moi je mords pas, je contamine par la blague. Voilà. Exactement, c'est beau ce que vous dites. Ah aussi, je vous recommande les jeux Resident Evil et non pas les films parce que c'est de la merde. Ah non, c'est charmé quand même. Ah, les... c'est de la merde. Jouez au jeu et vous rendrez compte à quel point c'est de la les merde. Montages, surtout le remaster de Resident Evil 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Les excellent. Montages épileptiques sous fond de oh musique techno bourrine et des guns. On dirait Darude, quoi. Mais c'est trop bien. Trop bien, attends, tu peux pas dire... Je hais. Mais est-ce que vous recommandez The Dead Don't Die de Jim Jarmusch? Bien sûr. Oui. Et moi non. Allez plutôt... bon, allez le voir si vous voulez, hein, faites ce que vous voulez au final. Mais allez plutôt jouer à Resident Evil ou à The Last of Us, ou regardez Un Dernier Train pour Busan. Et on se dit... Au revoir et à bientôt. Vous pouvez nous suivre sur n'importe quelle plateforme de podcast que vous utilisez, iTunes, Apple Podcast, Android, je ne sais, que sais-je, Windows, j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Je connais pas l'internet, comment ça fonctionne? Il est où le J là? Il est où? Je sais pas. Est-ce que je ne sais plus, je me perds dans mes propres mots. Vous pouvez nous laisser 5 étoiles, 5 cœurs, une étoile, des cœurs, des pouces en l'air, je sais pas, je connais pas les internets. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, partout où vous voulez, et vous pouvez aussi écouter des émissions précédentes si vous n'avez toujours pas écouté. Écoutez les prochaines qui vont sortir, pourquoi pas. Et on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir.